Quand ils eurent bien discuté, ils tirèrent de la courte paille et le sort tomba sur Landry. Sylvinet ne fut pas content de l'épreuve et voulut tenter à pile ou face avec un gros sou. Face tomba trois fois pour lui. C'était toujours à Landry de partir. « Tu vois bien que le sort le veut, dit Landry, et tu sais qu'il ne faut pas contrarier le sort. » Le troisième jour, Sylvinet pleura bien encore, mais Landry ne pleura presque plus. Si bien qu'il était tout décidé à partir, que Sylvinet ne l'était point encore à le voir s'en aller. Et puis Landry avait un peu plus d'amour-propre que son frère. On leur avait tant dit qu'il ne serait jamais qu'une moitié d'homme s'il ne s'habituait pas à se quitter, que Landry, qui commençait à sentir l'orgueil de ses 14 ans, avait envie de montrer qu'il n'était plus un enfant. Il avait toujours été le premier à persuader et entraîner son frère, depuis la première fois qu'ils avaient été chercher un nid au fait d'un arbre, jusqu'au jour où il se trouvait. Il réussit donc, encore cette fois, à le tranquilliser. Et, le soir, en rentrant à la maison, il déclara à son père que son frère et lui seraient juste de voir, qu'ils avaient tiré au sort et que c'était à lui, Landry, d'aller diriger les grands bœufs de la priche. Le père Barbeau prit ses deux baissons sur un de ses genoux, quoiqu'ils fussent déjà grands et forts, et il leur parla ainsi. « Mes enfants, vous voilà un âge de raison. Je le connais à votre soumission, et j'en suis content. Je ne veux pas savoir lequel de vous deux s'est soumis le premier. Mais Dieu le sait, il bénira celui-là pour avoir bien parlé, comme il bénira aussi l'autre pour avoir bien écouté. » Là-dessus, il conduisit ses baissons auprès de leur mère pour que leur fasse un compliment. Mais la mère Barbeau eut tant de peine à se retenir de pleurer qu'elle ne put rien leur dire et se contenta de les embrasser. Le père Barbeau, qui n'était pas maladroit, savait bien lequel des deux avait le plus de courage et lequel avait le plus d'attache. Il ne voulut point laisser froidir la bonne volonté de Sylvinet, car il voyait que Landry était tout décidé pour lui-même et qu'une seule chose, le chagrin de son frère, pouvait le faire broncher. Il y vient donc Landry avant le jour, en ayant bien soin de ne pas secouer son aîné qui dormait à côté de lui. « Ne dirai-je pas adieu à mon frère ?» demanda Landry. « Il m'en voudra, si je le quitte sans l'avertir. Si ton frère s'éveille et te voit partir, il pleurera. Il réveillera votre mère, et votre mère pleurera encore plus fort, à cause de votre chagrin. Allons, Landry, tu es un garçon de grand cœur, et tu ne voudrais pas rendre ta mère malade. Fais ton devoir tout entier, mon enfant. » Landry obéit bravement et passa à la porte de la maison sans regarder derrière lui. La mère Barbeau n'était pas si bien endormie ni si tranquille qu'elle n'eût entendu tout ce que son homme disait à Landry. La pauvre femme, sentant la raison de son mari, ne bougea et se contenta d'écarter un peu son rideau pour voir sortir Landry.